De ces crépitements obscurs, mon cœur s'affole. Sans prétention ni ambition, les flammes m'accompagnent. Un voyage de feu et de glace. La friction de l'être qui emprisonne la folle. Un tissu de mensonges où la vérité brûle. Sans façon, celui qui façonne se frictionne alors que le son résonne sans arrêter les pensées frivoles. Un récit, une histoire où chacun parle. Abruti ou génie, j'évoque sans équivoque l'envie d'enflammer, de carboniser ce qui est et ce qui était. L'imposteur rempli de couleurs, couvrant la noirceur d'un être sans profondeur. Le sens se perd à mesure qu'il se consume. Une délivrance qui part en fumée ou une condamnation pour l'éternité. Un feu de joie et de désarroi, où l'oubli est un luxe et le paroxysme de l'être qui vit, piégé dans un cercle, cisaillé par les multiples personnalités. Une douce brise venue en ami caresse le tiraillé, lui faisant apprécier ce moment d'intimité. Car à mesure que le feu s'abaisse, il revient peu à peu à la réalité. Un retour sans rage ni larmes. Seul un soupir face aux damnés.